Écrire est une marchandise à forte valeur. Trop de choses à dire, mais la gourmandise apporte malheur. Je garde mon sang-froid, ne t'attends pas à des mois de givre. Donne-moi le livre, ma joie de vivre n'est pas morte tout à l'heure. J'ai rien fait d'autre, alors je suis mon fils conducteur. Car le bus fonce dans le mur si je suis conducteur. Un but qu'on m'aime d'Hitler, connaît pas débile, connaît pas méchant. J'étais sec bientôt, même le rat des villes connaîtra méchant. D'ailleurs, le mouvement comme un arracheur de sacs. Franchement, tu me voyais toi un professeur de fac. J'suis comme Thierry l'affronte, pays au lance-pierre. La misère, tout le pays l'affronte, mais on avance guère. Je veux faire place aux lettres maintenant, demain peu importe. C'est grâce au flow mec que je veux relève dans un drop. Bon ou malhonnête, tu peux l'être en plein flop. J'sais pas que la savonnette à remettre en main propre. J'ai voulu faire péter les baromètres, exposer ma part de rêve. Une boule de nerf, laissez-moi rester le même quand j'parle aux frères. J'ai demandé pardon, même le ciel m'appelle à sourde oreille, à bout de souffle. La rage aux lèvres, j'avance comme cet oiseau qui bat de l'aile. Dans l'intime, mes garçons faibles, parfois manque d'inspire. Tous les mots comme équilibre, vu que la parole tient qu'à un fil. J'parle en vert comme un bel pis, j'crois que le monde m'appartient. À 30 se voir honnête, quand je me suis vite vendre à rondelle. Tu sais, tout ça a l'air si pathétique. Avant de lâcher ce titre, j'ai dû m'offrir une petite parenthèse. Et dire, j'suis passé vite des larmes au rire. Avant de partir au bled, pleurer sur mon passé, une vie anonyme. Frère, j'ai le syndrome du songe, puis du fin fond du ventre. Ma rage et le reste, voilà donc ce que 15 ans de plumes font. Quitte à perdre une dent de plus, j'irai faire du grabuge. J'ai foulé les planches car je ne sais rien faire d'autre du con. Ah putain, hey les gars, je sais pas si je vais y arriver là. De quoi? Ça m'a démotivé, vas-y vas-y, tu peux enchaîner là. Bon ben vas-y, je vais te faire un petit truc là, vas-y. On ne sait rien faire d'autre du con. Déblémer un tas de vis, les peines sont noyées dans le pastis. Ouvre la fenêtre, on saute du pont. Sous trop grand agique, difficile de prendre parti. Je ne sais rien faire d'autre à part garder le souffle quand je remonte du fond. On a sorti l'arsenal. Disent qu'on agit mal en simple marginal. Restons radical. Je me fous des fautes grammaticales, frère. Je me fous tout. Tu veux me la faire? Alors dis-toi qu'il faudrait que tu sois marginal. On a pression, n'est pas à l'aise. 100 fois sans se battre. Sous pression, pas dans nos 16. 164. Des droits j'encaisse. Désolé si parfois j'en parle. Ils m'ont dit 60 crêtes le jour où je me suis pris ce choc frontal. Drôle de constat. J'suis bon qu'à péter les profs de fond car je ne sais rien faire d'autre, frère, à part faire ce que les autres font pas. On a fait les 100 pas. Usé nos futs et nos Nike. On a même affûté nos mics et viré ceux qu'on sent pas. Problème, histoire, un truc pour les noirs. C'est pas la paroi qui sépare le peur à l'époque. Pour oublier nos peines, on coupe la mélancolie à l'adrénaline. Problème, histoire, un truc pour les noirs. Ne brise pas la paroi qui sépare le beurre à l'époque. Pour oublier nos peines, on coupe la mélancolie à l'adrénaline.